succès dans la vie. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là. En vrai, qu'est-ce qu'on est bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là. En vrai, qu'est-ce qu'on est bien. Ça va, ça vient, Slimane, Vita, Vita, Slimane, comme vous voulez, sur RGM, un peu plus de 8h36. Et tout de suite, on va écouter Lia qui nous parle du salon art et exposant. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 107FM, vous êtes branchés à Radio Gémozo et aujourd'hui on vous parle eh bien, d'un événement qui aura lieu prochainement, le 16 et le 17 novembre. Mais pour nous en dire plus, nous accueillons tout de suite Xavier Battistella, responsable culturel de la mairie de Remiremont, accompagné de Capucine, responsable communication que vous avez pu entendre il y a quelques temps pour nous parler d'une soirée philosophique. Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du 20e Salon Art, Artisanat et Savoir-faire organisé par la mairie de Remiremont, c'est bien ça ? Alors, le 20e Salon de l'Artisanat, donc c'est une cinquantaine d'exposants qui répondent à l'appel donc, de la mairie qui organise l'événement. Et ils sont créateurs de bijoux. Ils sont également créateurs de dentelles au fuseau. Et de lampes et luminaires. Ils peuvent aussi être artistes peintres. Encadreurs d'art. Sculpteurs de bronze. Graveurs sur verre. Restaurateurs de chaises. Tapissiers. Artisans africains de Djibouti. Spécialistes du relooking de meubles. De maroquinerie et couture. Et ils maîtrisent aussi la décoration vénitienne. Ainsi que les émaux. La céramique. Ou même le cristal. Tant de choses à découvrir pour ce 20e salon art, artisanat et savoir-faire. Est-ce que ce sont des savoir-faire locaux ou est-ce que vraiment ça regroupe des savoir-faire vraiment qu'on peut retrouver dans différentes régions ? Alors comme on l'a dit, c'est très très large. C'est à la fois donc, des artisans locaux qui sont des habitués du salon qui viennent. Mais chaque année, on a des nouvelles têtes qui peuvent venir parfois de très loin. Comme là, on a même des personnes de Djibouti qui vont venir exposer donc, au salon de Remiremont. Super, donc une cinquantaine d'exposants, hein, comme vous l'avez dit. Donc on va pouvoir s'immerger au sein de l'artisanat. Ça doit être très très chouette à découvrir. Donc avec une invitée d'honneur cette année. Oui, c'est ça en fait. On s'est dit que pour la 20e édition, on allait marquer le coup et qu'on allait donc inviter quelqu'un en particulier. Donc c'est Isabelle Debras, qui est styliste verrier, qui travaille le verre depuis de nombreuses années. Elle a fait de nombreux vitraux, que ce soit en France ou à l'étranger, à la fois dans des églises, mais aussi dans d'autres endroits. Et depuis quelques temps, elle a diversifié son activité pour toujours travailler le verre, mais ne plus faire que des vitraux. Et elle travaille ce qu'on appelle de la dentelle de verre, donc plein de petits fils de verre qu'elle assemble pour faire des objets d'art. Donc elle fait à la fois des objets d'art mais aussi des objets utilitaires, donc vous pourrez la retrouver et acheter aussi des bols, des soucoupes qui sont faits en verre par une artiste. Waouh, c'est chouette ça. Est-ce qu'à un moment donné il y a un petit atelier où on peut toucher un peu pour faire, je sais pas. Ah, malheureusement le verre c'est un peu plus compliqué que ça, donc le verre c'est... Pas le verre. Mais... Non, fabriquer du verre ce serait pas possible parce qu'il faut des fours à température extraordinaire, etc. Malheureusement, non, on peut pas faire ça sur un salon, mais après, si vous lui posez des questions, elle répondra très volontiers à ces techniques de fabrication. C'est une femme assez exceptionnelle, hein. Faut bien se rendre compte qu'on a une chance assez incroyable d'avoir une femme d'un tel niveau sur un salon. Mais elle reste extrêmement accessible et vous pouvez lui parler sans aucun problème, vous lui posez vos questions. Et même dans ce qu'elle propose, elle a des pièces qui sont à la portée de toutes les bourses, même s'il y a aussi d'autres pièces qui sont effectivement, forcément de grande valeur. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des exposants qui montreront leur savoir-faire en direct? Est-ce que c'est des choses qui se sont faites sur les années précédentes, peut-être? Alors, sur les années précédentes, oui, on en a déjà eu. Même si après, ça dépend évidemment des pièces, parce que, comme on l'a dit, dès que ça touche à du verre ou des choses où il y a beaucoup de matériel derrière, ça va être difficile. Mais oui, là, notamment, par exemple, on a de la dentelle. Il y aura des démonstrations de personnes qui feront de la dentelle au fuseau et le public pourra s'y essayer, bien évidemment. C'est chouette. Ça aura lieu donc le samedi 16 et le dimanche 17 novembre au Palais des Congrès, ouvert de 10h à 19h non-stop pour l'occasion. Et le tarif est plus que très réduit, hein. C'est 3€ pour tous et gratuit pour les moins de 12 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en parlant de moins de 12 ans, cette année, on a décidé de faire un coin animation pour les enfants, justement pour qu'ils ne s'embêtent pas quand leurs parents font le tour du salon et pouvoir permettre à tous de bien faire le tour du salon à leur rythme. C'est chouette. Combien de temps à peu près on met pour découvrir tous ces savoir-faire, cet artisanat? En fait, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous attarder sur chaque stand, là, ça peut vous prendre quelques heures, hein, évidemment. Après, si vous avez aussi l'intention de faire tous vos cadeaux de Noël, bah, profitez, mais vous aurez le temps. Là, hein. Après, si au final, certaines choses ne vous intéressent pas trop, bah, vous passez plus vite. C'est vraiment un salon. Donc, vous rentrez, vous allez vous discuter avec les uns et les autres, vous faites le tour au rythme que vous voulez. Ça, c'est fait pour flâner et puis on propose même la possibilité aux gens de se restaurer. Eh bien voilà, plus d'excuses pour ne pas venir participer à ce 20e salon. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que le public répond bien présent? Oui, bah, comme vous le savez, donc là on le reprécise, c'est la 20e édition, donc ça montre qu'il y a quand même un engouement derrière sur ce type de salon et le public est quand même bien au rendez-vous et puis on espère d'autant plus cette année avec notre invité d'honneur. Là, il me semble qu'on doit être à 1800 entrées l'an dernier, sachant que cette année on dépassera certainement les 2000 avec notre invité d'honneur. Sur deux jours, donc c'est vraiment une bonne moyenne. Super. Voilà. Et puis on n'est pas le tarif ne dépend pas du temps qu'on y reste. Hein. Vous pouvez y rester toute la journée si vous voulez. Tout à fait. En plus, on peut se restaurer sur place et ça c'est une très très bonne idée. Vous pourrez donc venir avec vos enfants, vos parents et vos grands-parents pour découvrir ce 20e salon d'art, artisanat et savoir-faire le 16 et le 17 novembre au Palais des Congrès. Merci à tous les deux pour l'annonce de cet événement et puis à très très bientôt. Merci Lia. Allez, tout de suite, 8h43, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 13 novembre 1947, naissance de Joe Mantegna Jr., acteur américain vu dans Le Parrain 3 dans le rôle de Joe Zaza, dans Valentine's Day où il apparaît au tout début du film, mais on le connaît bien évidemment pour son rôle de David Rossi dans la série télé Esprit Criminel. 1953, naissance de Frances Conroy, actrice américaine vue dans Coup de foudre à Manhattan, Aviator, Joker, actuellement au cinéma dans le rôle de Penny Fleck, la série télé Six Feet Under dans le rôle de Ruth Fisher, Desperate Housewives ou encore How I Met Your Mother. C'est également l'année de naissance de Tracy Scoggins, actrice américaine vue dans la série Dynasty dans le rôle de Monica Colby, la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman dans le rôle de Catherine Grant. Elle est apparue également dans NCIS Enquête Spéciale ou bien encore Castle. 1954, naissance de Chris Nost, acteur américain, connu pour son rôle de l'inspecteur Mike Logan dans les séries New York Police Judiciaire et New York Section Criminelle, connu pour son rôle de Big dans la série Sex and the City, ainsi que dans les deux films qui sont sortis par la suite, et vu également dans la série The Good Wife dans le rôle de Peter Fleurick. 1955, naissance de Whoopi Goldberg, actrice américaine vue dans Beauté Fatale, Ghost dans le rôle de Dame Brown, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Sister Act 1 et 2 dans le rôle de Dolores Van Cartier, Alarme Fatale, Star Trek Nemesis, Ninja Turtles. Elle est apparue à la télévision dans quelques épisodes de la série Glee, dans le rôle de Carmen Thibodeau, ou encore Instinct, dans le rôle de Joan Ross. 1959, naissance de Caroline Goodhall, actrice anglaise vue dans La Liste de Schindler, dans le rôle d'Emily Schindler, Princesse malgré elle et Un mariage de princesse, dans le rôle d'Hélène, la mère de Mia Thermopolis. 1960, naissance de Neil Flynn, acteur américain connu pour avoir incarné le concierge dans la série télé Scrubs. 1967, naissance de Jimmy Kimmel, humoriste animateur télé américain. 1969, naissance de Gérard Butler, acteur britannique vu dans Demain ne meurt jamais. Lara Croft, Tomb Raider, le berceau de la vie dans le rôle de Terry Sheridan. Le fantôme de l'opéra dans le rôle d'Eric. Le fantôme de l'opéra, PS I Love You. La chute de la Maison Blanche et la chute de Londres dans le rôle de Mike Banning, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans La chute du président qui est sorti au mois d'août dernier. 1980, naissance de Monique Coleman, actrice américaine connue pour son rôle de Taylor McKessie dans High School Musical 1, 2 et 3. Et l'année dernière, on apprenait le décès de Catherine McGregor, actrice américaine connue pour avoir incarné Harriet Olsen dans la série culte La petite maison dans la prairie. Allez, avant de marquer une pause musicale, on fait une pause cinéma avec les sorties. Comme tous les mercredis, vous en avez pris l'habitude et c'est un temps, pourquoi pas, à aller se faire un film. On commence tout de suite avec Le Mans 66, biopic drame de James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale ou encore Catriona Balfe. Autre film, J'accuse, drame historique thriller de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel ou encore Emmanuel Seigné. Autre film, Little Joe, science-fiction, drame de Jessica Osner avec Emily Bickham, Ben Whisham et Kerry Fox. Autre film, Countdown, un film d'épouvante, d'horreur de Justin Deck avec Elizabeth Lale, Jordan Calloway et Talita Batman. Et enfin, dernier film, Noura Rêve, drame de Inde Boujema avec Anne Sabri, Lotfi Abdelli et Hakim Boussaoudi. Voilà pour les sorties ciné. Tout de suite, on va s'écouter The Rigorous Brothers avec Unchained Melody en mémoire de l'anniversaire de Whoopi Goldberg, vu dans le film Ghost. So slowly, and time can do so much. Are you still more? Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Time. Unchained Melody, vous l'aurez bien évidemment reconnu, la bande originale du film Ghost sur le 107FM. Un peu plus de 8h50, on parle météo. La météo. Ça caille aujourd'hui, on va pas se mentir, on va être franc. On va passer la journée sous les nuages avec de la pluie, des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés cet après-midi. Jeudi, nuages et pluie. Alors il se pourrait même qu'il y ait un petit peu de neige vu les températures prévues pour demain matin entre 1 et 2 degrés. Donc vu les températures, la pluie peut éventuellement se transformer en quelques flocons de neige. Donc soyez vigilants. Pour jeudi après-midi, ce sera entre 4 et 5 degrés. Vendredi, ce sera une journée nuageuse, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Petite actu sportive ce matin, on commence avec du basket et la Leaders Cup demi-finale allée hier soir. Nancy s'est imposée 86 à 85 face à Antibes. En National 1, le Jet Vosges a réussi à battre Rueil 93 à 89. Très belle performance de la part du club vosgien. On parle tennis avec l'ATP Finals et la victoire hier de Dominic Thiem en 3-7 face à Novak Djokovic, 6-2 6-3, 7-6. Deux victoires en deux matchs pour l'Autrichien. Il est donc d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales. Roger Federer, lui, s'est imposé en 2-7 face à Berrettini. 7-6, 6-3. Aujourd'hui, Nadal affrontera Medvedev et Tsitsipas sera opposé à Alexander Zverev. À Houston, aujourd'hui, Poncher affrontera Zavatska et à Taipei, S affrontera On, numéro 4 de ce tournoi. Allez, c'est l'heure de passer notre dernière pause musicale. Direction la salle de sport avec Soprano et le coach. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coach, tu vas savoir qui est coach. Faut taper le cardio. Allez, allez, allez, allez, relève. secondes de récup et on repart. Voilà, le coach avec Soprano sur RGM, pile 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 11h30, ce sera une rediffusion d'En route vers l'insertion, 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou, 20h, Nothing But The Blues, suivi à 21h de la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit, excellente journée à tous.